Chapitre 6e. Après quelques heures d'un sommeil pénible, M. de Lucan se leva le lendemain, le front chargé de soucis. La reprise d'hostilité qui lui avait été si clairement signifiée présageait sûrement pour son repos de nouveaux troubles, pour le bonheur de Clotilde, de nouveaux déchirements. Il allait donc rentrer dans ces odieuses agitations qui avaient si longtemps désolé sa vie, et cette fois sans aucune espérance d'en sortir. Comment, en effet, ne pas désespérer à jamais de ce caractère indomptable que l'âge et la raison, que tant d'égards et de tendresse, avaient laissé impassible dans ses préventions et ses haines? Comment comprendre et surtout comment vaincre jamais le sentiment chimérique ou plutôt la manie qui avait pris possession de cette âme concentrée et qui s'y perpétuait sourdement, toujours près d'éclater en violence furieuse? Clotilde et Julia n'avaient pas encore paru. Lucan alla faire un tour dans le jardin pour respirer encore une fois la paix de sa chère solitude, en attendant les orages prévus. À l'extrémité d'un berceau de charmi, il aperçut le comte de Moras, le bras appuyé sur le piédestal d'une vieille statue et les yeux fixés sur le sol. M. de Moras n'avait jamais été un rêveur, mais depuis son arrivée au château, il avait, dans plus d'une occasion déjà, laissé voir à Lucan des dispositions mélancoliques très étrangères à son naturel. Lucan s'en inquiétait. Cependant, comme il n'aimait pas lui-même qu'on forçât sa confidence, il s'était abstenu de l'interroger. Ils prirent la main en s'abordant. « Vous êtes revenu tard cette nuit ?» demanda le comte. « Vers 3 heures. À propos, merci de votre complaisance pour Julia. Comment a-t-elle été pour vous ?»« Mais bien, » dit Lucan, « un peu singulière, comme toujours. »« Oh !» singulière, bas de soi. Il sourit assez tristement, prit le bras de Lucan et l'entraînant dans les dédales de la charmille. « Voyons, mon cher, lui dit-il d'une voix contenue, entre nous deux, qu'est-ce que Julia ? Comment, mon ami ? Oui, quelle femme est-ce que ma femme ? Si vous le savez, je vous en prie, dites-le-moi. Pardon, mais c'est à vous que je le demanderai. À moi, dit le comte, mais je l'ignore absolument. C'est une énigme dont le mot m'échappe. Elle me charme et m'épouvante. Elle est singulière, disiez-vous. Elle est plus que cela. Elle est fantastique. Elle n'est pas de ce monde. Je ne sais qui j'ai épousé. Vous vous rappelez cette belle et froide créature des contes arabes qui se relevait la nuit pour aller faire des orgies dans les cimetières. C'est absurde, mais elle m'y fait songer. L'œil troublé du comte, le rire contraint dont il accompagnait ces paroles, émurent vivement Lucan. « Ainsi, lui dit-il, vous êtes malheureux ?»« On ne peut davantage, répondit le comte en lui serrant la main avec force. « Je l'adore et je suis jaloux, sans savoir de qui ni de quoi. »« Elle ne m'aime pas et cependant, elle aime, elle doit aimer. Comment en douter ? Vous la voyez, c'est l'image même de la passion. » Le feu de la passion déborde dans ses paroles, dans ses regards, dans le sang de ses veines. Et près de moi, c'est la statue glacée d'un tombeau. « Franchement, mon cher, dit Lucan, vous me semblez exagérer beaucoup vos désastres. En réalité, il me paraît se réduire à très peu de choses. D'abord, vous êtes sérieusement amoureux pour la première fois de votre vie, je crois. Vous aviez beaucoup entendu parler de l'amour, de la passion. Et peut-être en attendiez-vous des merveilles excessives. En second lieu, je vous ferai observer que les très jeunes femmes sont rarement très passionnées. L'espèce de froideur dont vous semblez vous plaindre est donc très explicable sans l'intervention du surnaturel. Les jeunes femmes, je vous le répète, sont en général idéalistes. Leurs amours n'ont pas de corps. Vous demandez de qui ou de quoi vous devez être jaloux. Soyez-le donc de tout ce romanesque vague qui tourmente les jeunes imaginations, du vent, de la tempête, des plaines désertes, des falaises sauvages, de mon vieux manoir, de mes bois et de mes ruines, car Julia adore tout cela. Soyez-le surtout de ce culte ardent qu'elle conserve à la mémoire de son père, et qui absorbe encore, j'en ai la preuve récente, le plus vif de sa passion. Vous me faites du bien. Reprit Pierre de Moras en respirant avec allègement. Et cependant, je m'étais dit tout cela. Mais s'il n'aime pas, Elle aimera. Elle aimera un jour. Et si ce n'était pas moi? Si elle se donnait à un autre tout ce qu'elle me refuse? Mon ami, ajouta le comte, dont les beaux traits pâlirent, je la tuerai de ma main. Amoureux, dit Lucan. Et moi, je ne suis plus rien, alors. Vous, mon ami, dit Maurras avec émotion, vous voyez ma confiance. Je vous livre des faiblesses honteuses. Ah, pourquoi ai-je jamais connu un autre sentiment que celui de l'amitié? Elle seule rend tout ce qu'on lui donne. Elle fortifie au lieu d'énerver. C'est la seule passion digne d'un homme. Ne m'abandonnez jamais, mon ami. Vous me consolerez de tout. La cloche qui annonçait l'heure du déjeuner les rappela au château. Julia se disait fatiguée et souffrante. À l'abri de ce prétexte, son humeur silencieuse, ses réponses plus que sèches aux questions polies de Lucan, passèrent d'abord sans éveiller l'attention de sa mère et de son mari. Mais pendant le reste de la journée, et parmi les divers incidents de la vie de famille, le ton agressif de Julia et ses façons maussades à l'égard de Lucan s'accentuèrent trop fortement pour n'être pas remarqués. Toutefois, comme Lucan avait la patience et le bon goût de ne pas sembler s'en apercevoir, chacun garda pour soi ses impressions. Le dîner fut ce jour-là plus sérieux qu'à l'ordinaire. La conversation tomba vers la fin du repas sur un terrain brûlant, et ce fut Julia qui l'y amena, sans d'ailleurs penser à mal. Elle épuisait sa verve railleuse sur un bambin de 8 à 10 ans, fils de la marquise de Boisfrenet, lequel l'avait fort agacé la veille en provenant dans le bal sa suffisante petite personne, et en se lançant agréablement comme une toupie dans les jambes des danseurs et dans les robes des danseuses. La marquise se pâmait de joie devant ces délicieuses espiègleries. Clodhilde la défendit doucement en alléguant que cet enfant était son fils unique. « Ce n'est pas une raison pour faire cadeau à la société d'un drôle de plus, » dit Lucan. « Au reste, » reprit Julia, qui s'empressa de n'être plus de son propre avis dès que son beau-père en était, « il est parfaitement reconnu que les enfants gâtés sont ceux qui tournent le mieux. »« Il y a bien au moins quelques exceptions, » dit froidement Lucan. « Je n'en connais pas, » dit Julia. « Mon Dieu, » dit le comte de Maurras sur un ton de conciliation, « à tort ou à raison, c'est fort à la mode aujourd'hui de gâter les enfants. »« C'est une mode criminelle, » dit Lucan. « Autrefois, on les fouettait et on en faisait des hommes. »« Quand on a ces dispositions-là, » dit Julia, « on ne mérite pas d'avoir des enfants et on n'en a pas. » ajouta-t-elle avec un regard direct qui aggravait encore l'intention désobligeante et même cruelle de ses paroles. Monsieur de Lucan devint très pâle. Les yeux de Clodhilde s'emplirent de larmes. Julia, embarrassée de son triomphe, sortit de la salle. Sa mère, après être restée quelques minutes le visage caché dans ses mains, se leva et alla la rejoindre. « Ah, ça, mon cher, » dit M. de Maurras dès qu'il se trouva seul avec Lucan, « que s'est-il donc passé entre vous la nuit dernière ? Vous m'aviez bien dit quelque chose de cela tantôt, mais j'étais si absorbé dans mes préoccupations égoïstes que je n'y ai pas pris garde. Enfin, que s'est-il passé ? Rien de grave. Seulement, j'ai pu me convaincre qu'elle ne pardonnait pas de tenir une place qui, suivant elle, n'aurait jamais dû être remplie. « Que me conseillez-vous, Georges ? » reprit M. de Maurras. « Je ferai ce que vous voudrez. »« Mon ami, » dit Lucan en lui posant doucement les mains sur les épaules, « ne vous offensez pas, mais la vie commune dans ces conditions devient difficile. N'attendons pas quelques scènes irréparables. À Paris, nous pourrons nous voir sans inconvénient. Je vous conseille de l'emmener. » « Si elle ne veut pas, je parlerai ferme, » dit Lucan en le regardant dans les yeux. « J'ai à travailler ce soir. Cela se trouve bien. À bientôt, mon ami. » Monsieur de Lucan s'enferma dans sa bibliothèque. Une heure plus tard, Clodhilde vint l'y trouver. Il put voir qu'elle avait beaucoup pleuré, mais elle lui tendit son front avec son plus doux sourire. Pendant qu'il l'embrassait, elle murmura simplement à voix basse « Pardon pour elle. » Et la charmante créature se retira la hâte en dissimulant son émotion. Le lendemain, M. de Lucan, levé comme de coutume d'assez grand matin, travaillait depuis quelque temps près de la fenêtre de la bibliothèque qui s'ouvrait à une faible hauteur sur le jardin. Il ne fut pas médiocrement surpris de voir apparaître le visage de sa belle-fille entre les lianes de chèvrefeuille qui s'enlaçaient au feuillage de fer du balcon. « Monsieur, dit-elle de sa voix chantante, êtes-vous bien occupé ?»« Mon Dieu, non, répondit-il en se levant. « C'est qu'il fait un temps divin, reprit-elle. Voulez-vous venir vous promener avec moi ?»« Mon Dieu, oui. Eh bien, venez. Dieu, ça sent bon, ce chèvrefeuille. » Et elle en arracha quelques fleurs qu'elle jeta par la fenêtre à Lucan avec un éclat de rire. Il les fixa dans sa boutonnière, en faisant le geste d'un homme qui ne comprend rien à ce qui se passe, mais qui n'en est pas fâché. Il la trouva en fraîche toilette du matin, piaffant sur le sable de son pied léger et impatient. « Monsieur de Lucan, lui dit-elle gaiement, ma mère veut que je sois aimable pour vous. Mon mari le veut, le ciel aussi, je suppose. C'est pourquoi je le veux également. Et je vous assure que je suis très aimable quand je m'en donne la peine. Vous verrez ça. « Est-il possible ? » dit Lucan. « Vous verrez, monsieur, » répondit-elle, en lui faisant avec toutes ses grâces une révérence théâtrale. « Et où allons-nous, madame ? Où il vous plaira, dans les bois, à l'aventure, si vous voulez. » Les collines boisées étaient si rapprochées du château qu'elles bordaient d'une frange d'ombre un des côtés de la cour. Monsieur de Lucan et Julia s'engagèrent dans le premier sentier qui se présenta devant eux. Mais Julia ne tarda pas à quitter les chemins frayés pour marcher au hasard d'un arbre à l'autre, s'égarant à plaisir, battant les fourrés de sa canne, cueillant des fleurs ou des feuillages, s'arrêtant en extase devant des bandes lumineuses qui rayaient ça et là les tapis de mousse, fraîchement enivrés de mouvement, de plein air, de soleil et de jeunesse. Elle jetait à son compagnon tout en marchant des mots de gracieuse camaraderie, des interpellations folles, des moqueries d'enfants, et faisait retentir les bois de la mélodie de son rire. Dans son admiration pour la flore sauvage, elle avait peu à peu récolté un véritable fagot, dont M. de Lucan acceptait la charge avec résignation. S'apercevant qu'il succombait sous le poids, elle s'assit sur les racines d'un vieux chêne pour faire, dit-elle, un triage dans tout ce pêle-mêle. Elle prit alors sur ses genoux le paquet d'herbes et de fleurs, et se mit à rejeter tout ce qui lui parut d'une qualité inférieure. Elle passait à Lucan, assis à quelques pas d'elle, ce qu'elle croyait devoir réserver pour le bouquet définitif, motivant gravement ses arrêts à chacune des plantes qu'elle examinait. « Toi, ma chère, trop maigre. Toi, gentille, mais trop courte. Toi, tu sens mauvais. Toi, tu as l'air bête. » Puis, venant brusquement à un autre ordre d'idées qui ne laissa pas d'inquiéter d'abord M. de Lucan. « C'est vous, n'est-ce pas ? » lui dit-elle, « qui avez conseillé à Pierre de me parler avec fermeté. »« Moi ? » dit Lucan, « quelle idée ? Ça doit être vous. »« Toi ? » poursuivit-elle en continuant de s'adresser à ses fleurs, « tu as l'air malade, bonsoir. »« Oui, ça doit être vous. On vous croirait doux à vous voir, et vous êtes très dur, très tyrannique. » « Féroce, » dit Lucan. « Au reste, je ne vous en veux pas. Vous avez eu raison. Ce pauvre Pierre est trop faible avec moi. J'aime qu'un homme soit un homme. Il est pourtant très brave, n'est-ce pas ?»« Infiniment, » dit Lucan. « Il est capable de la plus extrême énergie. » Il en a l'air, et cependant avec moi, c'est un ange. « C'est qu'il vous aime. » « Très probable. Il y a de ces fleurs qui sont curieuses. On dirait une petite dame, celle-ci. » « J'espère bien que vous l'aimez aussi, mon brave Pierre. »« Très probable, encore. » Après une pause, elle secoua la tête. « Et pourquoi l'aimerais-je ? » « Belle question, » dit Lucan. « Mais parce qu'il est parfaitement digne d'être aimé, parce qu'il a tous les mérites, l'intelligence, le cœur et même la beauté, enfin, parce que vous l'avez épousé. » « Monsieur de Lucan, voulez-vous que je vous fasse une confidence ? Je vous en prie. » Ce voyage d'Italie a été très mauvais pour moi. Comment cela ? Avant mon mariage, figurez-vous que je ne me croyais pas laide précisément, mais je me croyais ordinaire. Oui, eh bien ? Eh bien, en me promenant en Italie, à travers tous ces souvenirs et tous ces marbres si admirés, je faisais d'étranges réflexions. Je me disais qu'après tout, ces princesses et ces déesses du monde antique, qui rendaient fous les bergers et les rois, pour lesquels éclataient les guerres et les sacrilèges, étaient à peu près des personnes dans mon genre. Alors m'est venue l'idée fatale de ma beauté. j'ai compris que je disposais d'une puissance exceptionnelle, que j'étais une chose sacrée qui ne devait pas se donner à un prix vulgaire, qui ne pouvait être que la récompense, que sais-je, d'une grande action ou d'un grand crime. Lucan resta un moment interdit par l'audacieuse naïveté de ce langage. Il prit le parti d'en rire. « Mais ma chère Julia, dit-il, faites attention, vous vous trompez de siècle. Nous ne sommes plus au temps où l'on se mettait en guerre pour les beaux yeux des dames. Au reste, parlez-en à Pierre. Il a tout ce qu'il faut pour vous fournir la grande action demandée. Quant au crime, je crois que vous devez y renoncer. Croyez-vous, dit Julia, c'est dommage, ajouta-t-elle en éclatant de rire. Enfin, vous voyez, je vous dis toutes les folies qui me passent par la tête. C'est aimable, ça, j'espère. C'est extrêmement aimable, dit Lucan. Continuez. Avec ce précieux encouragement, monsieur, dit-elle, en se levant et en achevant sa phrase par une révérence. Mais pour le moment, allons déjeuner. Je vous recommande mon bouquet. Tenez les têtes en bas. Marchez devant, monsieur. Et par le plus court, je vous prie, car j'ai un appétit qui m'arrache des larmes. Lucan prit le sentier qui menait le plus directement au château. Elle le suivit d'un pas agile, tantôt fredonnant une cavatine, tantôt lui adressant de nouvelles instructions sur la manière de tenir son bouquet ou le touchant légèrement du bout de sa canne pour lui faire admirer quelque oiseau perché sur une branche. Clodilde et M. de Moras les attendaient, assis sur un banc devant la porte du château. L'inquiétude peinte sur leur visage se dissipa au bruit de la voix rieuse de Julia. Dès qu'elle les aperçut, la jeune femme enleva le bouquet à Lucan, accourut vers Clodilde et lui jetant dans les bras sa moisson de fleurs. « Ma mère, nous avons fait une délicieuse promenade. Je me suis beaucoup amusée, monsieur de Lucan aussi, et de plus, il a beaucoup profité dans ma conversation. Je lui ai ouvert des horizons. » Elle décrivit avec sa main une grande courbe dans le vide pour indiquer l'immensité des horizons qu'elle avait ouverts à M. de Lucan. Puis, entraînant sa mère vers la salle à manger et aspirant l'air avec force, « Oh, cette cuisine de ma mère, dit-elle, quel arôme !» Cette belle humeur qui mit le château en fête ne se démentit pas toute la journée, et chose inespérée, elle persista le lendemain et les jours suivants sans altération sensible. Si Julia nourrissait encore quelques restes de ses farouches ennuis, elle avait du moins la bonté de les réserver pour elle et d'en souffrir seule. Plus d'une fois encore, on la vit revenir de ses excursions solitaires, le front soucieux et l'œil sombre. Mais elle secouait ses dispositions équivoques dès qu'elle se retrouvait en famille et n'avait plus que des grâces. Elle en avait surtout pour M. de Lucan, envers qui elle sentait apparemment qu'elle avait beaucoup à réparer. Elle absorbait même son temps sans beaucoup de discrétion et mettait un peu trop souvent en réquisition pour des promenades, des dessins de tapisserie, de la musique à quatre mains, quelquefois pour rien, simplement pour le déranger, se plantant devant ses fenêtres et lui posant à travers ses lectures des séries de questions burlesques. Tout cela était charmant. M. de Lucan s'y prêtait avec complaisance et n'avait pas assurément grand mérite. La baronne de Père vint sur ses entrefaites passer trois jours chez sa fille. Elle fut informée aussitôt avec les détails du changement miraculeux qui s'était opéré dans le caractère de Julia et dans sa manière d'être à l'égard de son beau-père. Témoin des gracieuses attentions qu'elle prodiguait à M. de Lucan, Madame de Père eut des démonstrations de vive satisfaction, au milieu desquelles on retrouvait toutefois quelques traces de ses anciennes préventions contre sa petite-fille. La veille du départ de la baronne, on invita quelques voisins à dîner pour lui être agréable, car elle n'avait qu'un faible goût pour l'intimité de famille et elle aimait passionnément les étrangers. On lui donna donc, faute de temps pour mieux faire, le curé de Vasteville, le percepteur, le médecin et le receveur de l'enregistrement, hôte assez habituel du château et grands admirateurs de Julia. C'était peu de chose, sans doute. C'était assez cependant pour fournir à la baronne l'occasion de mettre une robe habillée. Julia, pendant le dîner, parut s'appliquer à faire la conquête du curé, vieillard candide qui subissait la fascination de sa voisine avec une sorte de stupeur joyeuse. elle le faisait manger, elle le faisait boire, elle le faisait rire. « Quel serpent, n'est-ce pas, monsieur le curé ?» dit la baronne. « Elle est bien aimable, » dit le curé. « À faire frémir, » reprit la baronne. Le soir, après quelques tours de valse, Julia, accompagnée par son mari, chanta de sa belle voix grave des mélodies inédites, des chansons nationales qu'elle avait rapportées d'Italie. Un de ses airs lui rappelant une espèce de tarentelle qu'elle avait vue danser par des femmes de Procida, elle pria son mari de la jouer. Elle comptait en même temps avec feu comment elle dansait cette tarentelle, en donnant une rapide indication des pas, des gestes et des attitudes. Puis, tout à coup, entraînée par l'ardeur de son récit, « Attendez, Pierre, je vais la danser, ce sera plus simple. » Elle releva sa traîne, qui la gênait, et prit à sa mère de la fixer avec des épingles. Pendant ce temps, elle s'occupait elle-même activement. Il y avait sur la cheminée et sur les consoles des vases remplis de fleurs et de verdure. Elle y puisait de ses mains alertes, et posée devant une glace, elle piquait et entrelaçait pêle-mêle dans ses cheveux magnifiques des fleurs, des herbes, des grappes, des épis, tout ce qui venait sous ses doigts. La tête chargée de cette couronne épaisse et frissonnante, elle vint se placer au milieu du salon. « Allez, mon ami, » dit-elle à M. de Maurras. Il joua la tarentelle qui débutait par une sorte de pas de balai lent et solennel que Julia mima avec ses airs souverains, déployant et reployant comme des guirlandes ses bras dalmés. Puis, le rythme s'animant de plus en plus, elle frappa le parquet de ses pas rapides et redoublés avec la souplesse sauvage et le sourire épanoui d'une jeune bacchante. Brusquement, elle termina par une glissade prolongée qui l'amena toute palpitante devant M. de Lucan, assis en face d'elle. Là, elle fléchit un genou, porta d'un geste soudain ses deux mains à ses cheveux et secouant en même temps sa tête penchée, elle fit tomber sa couronne en pluie de fleurs aux pieds de Lucan en disant de sa plus douce voix, sur le ton d'un gracieux hommage, « Monsieur ?» Après quoi elle se redressa, toujours glissante, se jeta dans un fauteuil, prit gravement le tricorne du curé et s'en éventa le visage. Au milieu des applaudissements et des rires qui remplissaient le salon, la baronne de Père se rapprocha doucement de Lucan sur le canapé qu'ils occupaient en commun et lui dit tout bas, « Ah ça, mon cher monsieur, qu'est-ce que c'est donc que ce nouveau système-là ? Savez-vous que j'aimais encore mieux sa première manière, moi ?»« Comment, chère madame, pourquoi donc ?» dit simplement Lucan. Mais avant que la baronne eût pu s'expliquer, en supposant qu'elle eut l'intention, Julia fut prise d'une nouvelle fantaisie. « Décidément, j'étouffe, » dit-elle. « Monsieur de Lucan, offrez-moi votre bras. » Elle sortit et Lucan l'accompagna. Elle s'arrêta dans le vestibule pour se couvrir la tête de son grand voile blanc, parut hésiter un moment entre la porte du jardin et celle de la cour, puis, se décidant, « Dans l'allée aux dames, c'est là qu'il fait le plus frais. » L'allée aux dames, qui était le lieu de promenade favori de Julia, s'ouvrait en face de l'avenue à l'autre extrémité de la cour. C'était un sentier en pente douce, pratiqué entre l'escarpement rocheux des coteaux boisés et le bord d'un ravin qui paraissait avoir été un des fossés de l'ancien château. Un ruisseau coulait au fond de ce ravin avec un bruit mélancolique. Il allait se perdre à quelque distance, dans un petit étang ombragé de sol et gardé par deux vieilles nymphes de marbre, auxquelles l'allée aux dames devait son nom, consacré par la tradition du pays. À mi-chemin, entre la cour et l'étang, des fragments de murs et des cintres brisés, débris de quelques fortifications extérieures, s'étageaient sur le revers du coteau. Pendant quelques pas, ces ruines bordaient le sentier de leurs épais contreforts et y projetaient, avec des festons de lierre et de ronces, une masse d'ombre que la nuit changeait en ténèbres opaques. On eût dit alors que le passage était coupé par un abîme. Le caractère sombre de ce site n'était pas, d'ailleurs, sans quelques adoucissements. Un sable fin et sec jonchait le sentier. Des bancs rustiques étaient adossés çà et là contre l'escarpement. Enfin, les talus gazonnés qui descendaient dans le ravin étaient semés de jacinthes, de violettes et de rosiers nains, dont le parfum s'élevait et se conservait dans cette allée couverte comme l'odeur de l'encens dans une église. On était alors à la fin de juillet, et la chaleur avait été accablante dans la journée. En quittant l'atmosphère de la cour encore embrasée par les feux du couchant, Julien respira avec avidité l'air frais du ruisseau et des bois. « Dieu, que c'est bon !» dit-elle. « Mais j'ai peur que ce ne soit trop bon, » dit Lucan. « Permettez-moi. » Et il lui roula en double autour du cou les bouts flottants de son voile. « Comment, vous tenez donc à mes jours ? » dit-elle. « Mais certainement. » « C'est magnanime. » Elle fit quelques pas en silence, s'appuyant légèrement sur le bras de son compagnon et balançant à sa manière sa taille gracieuse. « Votre bon curé doit me prendre pour une espèce de diable, » reprit-elle. « Il n'est pas le seul, » dit Lucan avec un sang-froid ironique. Elle eut un rire bref et contraint, puis, après une nouvelle pause, en continuant sa marche, le front penché. « Vous devez pourtant me détester un peu moins maintenant, dites. Un peu moins. » « Soyez sérieux, voulez-vous ? Je sais que je vous ai fait beaucoup souffrir. Commencez-vous à me pardonner ?» Sa voix avait pris un accent de sensibilité qui ne lui était pas ordinaire et qui toucha M. de Lucan. « Je vous pardonne de grand cœur, mon enfant, » répondit-il. Elle s'arrêta et lui saisissant les deux mains. « C'est vrai, c'est fini de nous haïr, » dit-elle d'un ton bas et comme timide. « Vous m'aimez un peu ?»« Je vous remercie. » dit Lucan avec une gravité émue. « Je vous remercie et je vous aime bien. » Comme elle l'attirait doucement, il l'enlaça d'une franche et affectueuse étreinte et posa les lèvres sur son front qu'elle lui tendait. Mais au même instant, il sentit la taille souple de la jeune femme se roidir. Sa tête se renversa, puis elle s'affaissa tout entière et glissa dans ses bras comme une tige fauchée. Il y avait un banc à deux pas, il l'y porta. Mais après l'y avoir déposé, au lieu de lui donner du secours, il demeura dans une attitude d'étrange immobilité devant cette forme charmante et inerte. Il y eut un long silence que troublait seul le bruit doux et triste du ruisseau. Se réveillant enfin de stupeur, M. de Lucan appela plusieurs fois d'une voix haute et presque dure « Julia, Julia !» Comme elle restait sans mouvement, il descendit dans le ravin à la hâte et puisa de l'eau dans sa main. Il lui en baigna les tempes. Après un moment, il vit dans l'ombre ses grands yeux s'ouvrir et il l'aida à soulever sa tête. « Qu'est-ce que c'est ? » dit-elle en le regardant d'un air égaré. « Qu'est-ce qui est arrivé, monsieur ?»« Mais vous vous êtes trouvé mal, » dit Lucan en riant. « Trouvé mal ?» répéta Julia. « Sans doute, c'est ce que je craignais. Le froid vous aura saisi. Pouvez-vous marcher ? Voyons, essayez. »« Très bien, » dit-il en lui prenant le bras. Comme tous ceux qui éprouvent des défaillances subites, Julia ne se rappelait que d'une manière très indistincte la circonstance qui avait provoqué son évanouissement. Ils avaient repris à pas lents le chemin du château. « Trouvez mal !» reprit-elle gaiement. « Dieu, que c'est ridicule !» Puis, avec une vivacité subite, « Mais qu'est-ce que j'ai dit ? Est-ce que j'ai parlé ? Vous avez dit « j'ai froid » et puis vous êtes parti. Comme cela, comme cela. Est-ce que vous avez cru que j'étais morte ?» « Je l'espérais un instant, » dit froidement Lucan. « Quelle horreur ! Mais nous causions avant cela. Qu'est-ce que nous disions ? Nous faisions un pacte de bonne amitié. Eh bien, il n'y paraît guère, monsieur de Lucan, madame. Vous avez l'air de m'en vouloir de ce que je me suis trouvé mal. Sans doute. D'abord, je n'aime pas les histoires, et puis, c'est entièrement votre faute. Vous êtes si imprudente, si déraisonnable. Oh mon Dieu, voulez-vous un bâton ? Et comme on apercevait les lumières du château. « À propos, n'inquiétez pas ma mère de ce détail, n'est-ce pas ? Je n'en regarde, soyez tranquille. Vous êtes parfaitement maussade, vous savez. C'est vrai, mais j'ai passé là quelques minutes tellement pénibles. Je vous plains de toute mon âme, » dit sèchement Julia. Elle se débarrassa de son voile dans le vestibule et rentra dans le salon. La baronne de Père, qui devait partir le lendemain de bonne heure, s'était déjà retirée. Julia joua des sonates à quatre mains avec sa mère. M. de Lucan remplaça le mort au whist du curé et la soirée s'acheva paisiblement.